Ok. Qu'est-ce qu'il y a? New Crack City. Marécage Secrets. Ok. Dan Griffin au mic. Fantomas. Ok. Goodman à la console. Qu'est-ce qu'il y a à la prod? Ok. J'ai l'esprit ailleurs et très peu d'alliés. En cas de besoin, c'est Fox World, pas de well, comme sur mon palier. Je dois commencer à comprendre les uns les autres. Ici, les années folles sont passées. Aucune règle de vie, pourtant paraît que l'avenir est tracé. Si tu croises le bonheur, fais-moi un signe, pas une pyramide. Non, je le ferai pas d'un bon oeil. Je traîne à côté de la plaque. Je vois mieux l'avenir depuis que je sais que tu n'en as pas. Non, ne me cherche pas. Mes rimes de conne comme le contact me paraît. Quand on ne part y'a rien de carré, normal, tu fais du rap sans règle. Du rap sans maître, pas de manière. C'est pour les vrais qu'on se donne sur ma petite planète. On se croirait dans un film depuis que le Charleston. Je cours après le bonheur, on me dit que je perds mon temps. Alors maintenant je me tâte de l'attendre et je vais pas tendre la main quand chef de Todd voudrait me la mettre. J'ai kick le beat, brise les notes, boxe les mots comme arsenic. Tant pis si ça te pète les dents, façon qui claque te pète les dents. Mon phrasé t'offre une bonne gifle dans la tête. Au bord du gouffre, je fais de la haute voltige dans ma sphère. J'ai voulu dans un nœud de vipère. D'ailleurs faudrait peut-être qu'on pense à vivre à l'occasion. Avant que ça vire au cauchemar, qu'on ait plus de thunes, qu'on doive se mettre des cuites à nos places. Plus rien me donne envie de planer. C'est tout simple. Ma vie est morte toute l'année, c'est la Toussaint. Je suis comme tout le monde, je baisse. On finira tous tout seul. Ma vie est aussi minable qu'un film de Wes Anderson. Je manque de goût et douceur. Avec le nez rouge, je veux pas être la clown sous les néons. J'ai la poisse comme si j'étais né rousse. Il faut du flouze, il faut en prendre vite. Dites-moi comment avoir les yeux plus gros que mon ventre vide. J'ai dépassé les bornes, mais bon, pas le temps. Ça, c'est l'époque, donc passons. Je suis pas très cool, moi. Je vois pas le bout du couloir. J'ai loupé tout mon parcours. Check mon avion dans une boule noire. Mémoire sélective. Quand je pillave, c'est grand blackout. J'ai pas de peau, il faudra plus qu'un flac pour m'abattre. J'suis une galère comme les zombies de Black Ops. J'tape des esquives de malade. J'suis comme les skis, j'ai du mal à sortir de ma life. Tu croyais avoir tout vécu, mais c'était juste une effluve. Si je te fais du mal, c'est pas grave. J'ai mis de côté quelques excuses. J'écoute plus tes balnaves. J'esquivais les parages, il paraît que j'ai pas d'âme. J'm'en balais, j'rappe avec le cœur et j'taille sur ta gueule quand t'es pas là. J'suis pas à l'écoute, allez-y, barrez-vous. J'suis bien parmi les fous. Bienvenue dans mon bar à Noland. Pas l'ordonnance, malade, ouais, attends, faudrait que j'en parle à mon chambre. Non, personne s'entend en fait, tout le monde s'en branle. Bref, tout ça, ça me tente, mes rêves dans le gouffre. Elle vit là dans le doute, j'aime autant que j'ouvre. J'ai pas le time pour tout ça, j'suis pas l'antime quand j'vois tout noir. Mais tout ça me tracasse, j'étouffe dans le stratnard. Le crâne s'embrase pendant que le mal prend place par toi. Du cap, t'avances pas, t'es jamais seul avec la tease d'un chétan, lui t'accompagne. J'ai des pensées vagues, mais croyez pas que j'parle de vacances. J'ai pas de chance, ma life, moi j'la vis en 3 temps. Yeah.